nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Variation sur la femme. C'est le titre qui fut retenu pour l'émission que vous allez entendre, diffusée pour la première fois le 6 mars 1972 sur France Culture. Elles étaient six ce jour-là, au micro d'André Halimi, à être venues présenter le mouvement de libération des femmes, le MLF. Un sigle en soi trompeur, comme le rappelait l'une d'elles, parce qu'il semblait tracer une frontière entre les femmes y adhérents et les autres, comme s'il s'agissait d'un parti. Or précisément, le MLF n'était pas un parti, mais un mouvement, c'est-à-dire que les femmes, toutes les femmes, avaient vocation à le rejoindre. Il y avait donc ce jour-là la comédienne Delphine Seyrig, l'écrivain Monique Wittig et quatre autres militantes désignées seulement par un prénom. 50 ans plus tard, on reconnaît parmi elles les voix d'Antoinette Fouque, qui s'exprimait en premier, et de Christine Delphi. Mais peu importe au fond les identités sociales ou les statuts, ce qui comptait alors, c'était de prendre la parole, de faire entendre la voix des femmes et non de la femme, qui, comme chacun sait, n'existe pas. Certaines femmes s'estiment opprimées par les hommes. Elles se sentent en marge de la société et désirent fortement la réformer. Pour savoir ce qu'elles souhaitent, nous avons jugé utile et intéressant de les laisser s'exprimer. Quatre militantes du MLF, Christine, Danielle, Anna et Jocelyne, ainsi que Delphine Seyrig et Monique Wittig, s'explique sur la naissance, les problèmes et les objectifs du MLF. Demain, à la même heure, il sera surtout question de leur culpabilisation par les hommes. Le MLF n'a été créé par personne. Il a pris naissance en France, à la suite, sans doute, et dans la foulée de mai 68, par le rassemblement d'une dizaine de femmes, puis 15, puis 100, et aujourd'hui, au début de l'année 72, par des milliers de femmes, non seulement sur la région parisienne, mais en province, partout en France, dans les lieux d'habitation, dans les lieux de travail, dans les lieux d'études, et non seulement en France, mais dans la plupart des pays d'Europe. Bon, je crois que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il n'y a pas eu un groupe originel qui a décidé de s'appeler MLF. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a toujours pas de MLF. Il y a eu plusieurs groupes, dont certains constitués dès avant mai 68, et qui avaient une optique spéciale sur l'oppression des femmes et qui était différente de l'optique des groupes féminins traditionnels, qui étaient des clubs de femmes annexes des partis d'hommes. Et ces groupes, qui étaient des tout petits groupes jusqu'il y a 2 ans, et qui ne se connaissaient pas et qui ne s'étaient pas rencontrés, fonctionnaient d'une façon étrange, et je crois que c'est ça la coïncidence et l'événement historique, tous exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'ils fonctionnaient sur des bases radicales, qui n'étaient pas d'amélioration de ce qu'on appelle la condition féminine, mais de remise en question radicale de tout ce que sont les femmes, de tout ce que sont les hommes, et qui était dédié à l'action directe, qui ne voulait pas passer par les partis. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ces groupes, ces petits groupes, il y en avait au moins 2 ou 3 à Paris, par exemple, entre mai 68 et avril 70, où ils se sont rencontrés, réunis pour former le mouvement, ces groupes ne connaissaient pas l'existence des groupes aux États-Unis. Ils ne l'ont appris qu'un an après qu'eux-mêmes se soient formés, et ils ont découvert, quand ils ont appris l'existence de ces groupes américains, qu'ils fonctionnaient exactement de la même façon, avec les mêmes objectifs, en se posant les mêmes questions, et avec la même opposition à la politique traditionnelle, et à l'inféodation aux groupes politiques mâles, c'est-à-dire masculins. On n'a pas encore dit ce que c'était le MLF, c'est Mouvement de Libération des Femmes, non ? Je pense aussi que dire MLF, c'est une tendance réductrice et qui nous vient de l'extérieur. il n'y a pas de MLF. Dire MLF, c'est comme dire PC, c'est comme dire CGT, c'est comme dire GP, c'est comme dire PSU, c'est-à-dire c'est vouloir nous assimiler à ce qui est le politiquage des hommes. Il n'y a pas de MLF, il n'y a pas, ce n'est pas un groupuscule, ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. C'est-à-dire ce sont des femmes en mouvement, et c'est un mouvement historique et qui précisément ne veut pas passer par ces canaux traditionnels. Il n'y a pas de dedans et du dehors du mouvement. Or, un sigle tel que MLF ferait penser qu'il y a les femmes, les autres, et puis celles qui sont au MLF, et ça n'est pas vrai. Toutes les femmes sont potentiellement dans le mouvement, de toute façon, parce qu'il n'y a qu'une étape, il n'y a qu'une question de degré entre la révolte individuelle des femmes et la révolte organisée des filles qui se réunissent. Moi, je voudrais dire quelque chose pour donner un exemple de ce que ça peut être. Par exemple, on peut dire que jusqu'à très récemment, les femmes ne savaient pas comment elles étaient faites physiquement, anatomiquement. On peut dire que la majorité des femmes, encore aujourd'hui, ne savent pas comment elles sont faites, quelles sont les différentes parties de leur corps. Bon, alors elles acceptent l'image qu'on leur donne de leur corps, qui est une image très floue, parce qu'on ne veut pas préciser les choses, mais on parle par exemple beaucoup d'éducation sexuelle, et bien il s'avère que on ne dit, personne n'a jamais dit à une petite fille ou à une jeune fille ou même à une femme, personne ne lui a expliqué qu'il existait dans son appareil sexuel une partie absolument définie, précise, qui est la partie qui consiste à procréer, à concevoir et à procréer, qui est une chose, et qu'il existe en elle, anatomiquement, une autre partie qui est exclusivement destinée à la jouissance physique. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'était pas un parti, c'est un mouvement. Alors, bon, admettons, même mouvement, combien y a-t-il de femmes qui sont avec vous, qui se réunissent avec vous, qui vous rencontrent, qui vous écrivent, enfin, qui vous donnent l'impression de vous donner leur adhésion? Est-ce que quelqu'un les a comptés? Moi, j'ai l'impression qu'on ne sait pas du tout combien il y en a. Il y en a beaucoup, mais on ne sait pas combien. On peut dire, en tout cas, qu'à la manifestation du 20 novembre, qui était une manifestation pacifique, de marche des femmes, on était 2500, ce qui était sur Paris, et il y en a eu d'autres en province, et il y en a eu dans le monde entier. Donc, c'est un repère, disons, pour arriver à dénombrer plusieurs milliers de femmes en France. Un mouvement, en tant que mouvement, n'a pas de programme politique en soi. Je pense qu'on a un programme spécifique et qui, justement, touche à tout. Ce dont on s'aperçoit, quand on remet en question la situation des femmes, et non pas de la femme qui est une essence et que nous ne connaissons pas, nous ne l'avons jamais rencontrée, ce dont on s'aperçoit, c'est que partir de là, c'est finalement remettre en question, mais bien plus que les socialistes traditionnels ou les communistes traditionnels ont remis en question, c'est remettre en question la notion même de hiérarchie, la notion même de délégation, la notion même de représentation, la notion même de parti. Il est question pour nous de remettre en question l'ensemble de cette société et ses fondements même. Donc il ne peut pas à aucun moment être question de s'insérer dans une structure quelconque au nom d'une efficacité qui serait une efficacité à l'intérieur de ce système. Quand vous dites les communistes, entre autres, et quand vous dites les socialistes, ou quand vous dites les gaullistes, et quoi que vous disiez de toute façon, ou même quand vous dites les ouvriers, quand vous dites les prolétaires, à quoi vous pensez? Vous vous représentez des hommes, de toute façon. Oui. C'est une masse d'hommes en marche que vous vous représentez, œuvrant pour une civilisation d'hommes, c'est-à-dire finalement... Mais nous laissons les loups se battre entre eux. Mais alors, comment arrivez-vous aux femmes? Parce que j'imagine, bon, à Paris... C'est peut-être relativement facile, mais je suis persuadé qu'en province, enfin, je n'ai pas fait d'enquête, il y a des femmes qui ignorent totalement votre mouvement. Justement, c'est parce qu'il n'y a pas de structure, qu'il n'y a pas de parti qu'elles vous ignorent. Bon, enfin, il y a une campagne très, très, très importante qui a été menée depuis à peu près un an, puisque ça a débuté au mois d'avril. C'est la campagne sur l'avortement. Et à travers cette campagne sur l'avortement, qui est l'un des volets des revendications, etc., de lutte du mouvement des femmes, bon, ben, nous sommes fait connaître un peu partout. Et puis, c'est à partir de ces actions, de ces diverses actions sur l'avortement, la contraception, qui est vraiment le point de sensibilisation le plus large et inimaginable possible, que les femmes ont appris à nous connaître. Et que c'est ainsi qu'il y a des groupes de provinces qui se sont créés. C'est à partir de la revue Partisan et puis aussi de l'action générale, des différentes actions qui ont été menées jusqu'à présent. Mais ça va plus loin que ça. On peut remettre en question ce qu'on appelle l'instinct maternel, qui est le seul instinct véritablement dans cette société qu'on continue à trouver merveilleux, parce que les autres instincts, on n'en parle même plus. Et il reste un instinct qu'on met en avant constamment, c'est l'instinct maternel. Et ça, toutes les femmes, qu'elles soient du mouvement, qu'elles ignorent le mouvement ou qu'elles le connaissent, peuvent se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que leur instinct maternel, à partir de quel moment est-ce qu'il a commencé. Est-ce que c'est pas à partir du moment où on leur a donné de la layette rose, on leur a donné ensuite un peu quelques années plus tard des poupées, quelques années plus tard on leur a on les a mises dans des écoles séparées des garçons en leur disant qu'il fallait pas qu'elles se mélangent aux garçons, puis plus tard on leur a dit qu'au contraire il fallait qu'elles se marient à toute vitesse parce que passé un certain âge on ne pouvait plus se marier parce que les enfants, il y a un âge pour les faire et il y a un âge pour ne pas les faire. Enfin, qu'est-ce que c'est que cet instinct maternel dont on nous rabat les oreilles et qui est le seul instinct qu'on met en avant, car les autres on essaye au contraire, parce que nous sommes des hommes et pas des bêtes, quand je dis des hommes, j'embrasse les femmes, on nous met en avant une chose qui, pour tout homme, n'est plus mise en avant, qui est un instinct. Un instinct auquel, je crois, pour la plupart, nous ne croyons pas. Je voudrais donner un exemple. Prenons par exemple la lutte pour l'avortement et la contraception. La lutte pour l'avortement, c'est une revendication immédiate. C'est une revendication tactique. Ça n'est pas un objectif ultime. Ça n'est pas un objectif ultime pour deux raisons. Parce que ça n'est pas l'acquisition du droit à l'avortement, qui est un droit, qui est un minimum, qui libérera les femmes. Ce que nous voulons, c'est ça qu'il faudrait comprendre, c'est que quand on parle des revendications, il faut toujours voir que pour le mouvement, ce ne sont que des revendications tactiques, c'est-à-dire soit des bases minimales, soit, et aussi, et en même temps, un moyen de faire prendre conscience aux femmes qu'elles n'ont même pas droit au minimum. Est-ce que quelquefois, par rapport à l'extérieur, vous n'apparaissez pas en ordre dispersé? Enfin, quand on lit les journaux, quelquefois on a l'impression qu'il y a soit des désordres, soit des excès, soit, enfin, justement, ce qui manque quelquefois au parti. Quelquefois, on dit que vous interveniez d'une façon brutale dans une réunion, que vous vous emparez du micro, enfin, je suis jamais présent. Je suis jamais présent, mais je lis les journaux simplement. Alors, je parle. Est-ce que c'est pas justement ce que les partis, eux, essayent de faire? Mais ça fait partie de notre lutte à tous les instants, de lutter contre toutes les structures qui sont des carcans, qui sont des prisons, de lutter contre toute rationalité, toute structure, de lutter contre l'avarice, l'organisation, la rationalité des hommes, la rétention, tout ce qui fait cette culture, et d'apparaître effectivement avec une certaine irrationalité, un certain désordre, et de mettre à la place de l'avarice généralisée un certain mode de dépense et d'économie de la dépense, si vous voulez. Une critique qu'on fait souvent, on dit pourquoi est-ce que les femmes du mouvement veulent se réunir entre elles sans hommes. Je crois que c'est important d'y répondre parce que c'est vraiment une question qu'on pose toujours. Eh bien, moi, il me semble que ce ne sont pas les femmes qui se ségrèguent par rapport aux hommes, mais ce sont les hommes qui ont toujours créé une ségrégation par rapport aux femmes. Et tout à coup, curieusement, ils s'indignent et ils s'étonnent que les femmes aient envie de se retrouver entre elles pour parler. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs que ces femmes parlent vers l'extérieur, c'est-à-dire à des hommes aussi bien que des femmes, puisque c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mais que les femmes se retrouvent entre elles est à mon avis absolument nécessaire pour des tas de raisons qui sont qu'elles ne peuvent pas parler devant des hommes, qu'il y a des, comme ça les autres l'expliqueront mieux que moi, mais ce que je crois surtout c'est qu'il faut se rendre compte que c'est pas les femmes qui ont inventé cette ségrégation, ce sont les hommes qui eux se réunissent entre eux, qui eux mènent la vie sociale entre eux, et les femmes sont complètement exclues de la société, on peut dire elles vivent en marge. En effet, les hommes se réunissent entre eux, mais n'admettent pas que des femmes se réunissent entre elles, c'est-à-dire nous considèrent sans arrêt comme leurs annexes. Ils ont un droit de regard absolument sur tout. Il suffit de voir à des réunions, des assemblées générales, un seul homme arrivé, très sûr de lui, et penser qu'il a le droit de remettre en question toutes les décisions et même la volonté de 300, de 400, de 5000 femmes d'être ensemble. Ça ne lui fait aucun problème particulier. C'est un fait, mais ça complète ce que tu dis, c'est un fait de la syntaxe française que s'il y a 1 milliard de femmes et un chien, dans cette assemblée, on met tout au masculin. C'est-à-dire que nous fonctionnons linguistiquement et on apprend aux tout petits ça. Le masculin l'emporte sur le féminin, c'est une règle de grammaire qu'on apprend tout petit. C'était « Variations sur la femme » par André Halimi, avec Delphine Seyrig, Monique Wittig et quatre autres militantes du MLF, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 mars 1972. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site de France Culture ou encore sur l'application Radio France.